Bonjour tout le monde. Bonsoir. Salut, Flaubert. Bonsoir. Comment allez-vous? Alors, moi je veux pas prendre la parole d'abord, mais je vais commencer. Franchement, je me sens dingue, bien. Bonjour David Koskas, hashtag McFly. Hashtag, putain, hashtag. Il a mis un hashtag. Hashtag McFly sur les réseaux sociaux. Comment vas-tu? Super, je suis heureux. Peux-tu te présenter en deux mots peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas au final? McFly. ouais, et enfin. C'est dingue, normalement je suis avec Carlito en duo, peut-être vous avez vu si vous avez regardé la chaîne YouTube de Golden Moustache. On a fait une vidéo qui s'appelle Il a mis son sexe, et on a fait le fat show pendant 2 ans. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah, t'as fait, toi pour le coup t'es le plus professionnel de radio autour de cette table, parce que t'as fait beaucoup de radio. On en a fait un petit peu, ouais. T'as fait de la danse, beaucoup ouais, de danse. Ouais. Et du de la musculation, j'ai vu sur le site de ton agent. Ah oui, j'ai vu ça. Quoi aussi. C'est ça, site de ta sur ta fiche, il y a marqué sport, ping-pong, musculation. Bah oui. Ça m'a fait tellement rire. C'est vrai que je suis allé à la salle 2 fois. le power plate. J'ai fait 1 fois power plate. Non merde, c'est vrai. Oui, non, j'ai fait de la musculation en club AS muscu. En développé couché 82. Le power plate, c'est le truc qui fait twerker là. Qui fait des lésions, qui cause des lésions ouais. Cérébrales, paraît-il. On est aussi avec Jacques Parker. Jacques, hein. Oui, Jacques. Bah c'est français, hein, on est en France. Jacques. Hein. Jacques. Jacques Parker. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ou merci. Jack Parker. Peut-être, c'est mieux. Oui, c'est pour ça. En ce moment, je fais rien, mais normalement, j'écris. D'accord. Donc, j'écris des chroniques sur Internet, j'écris des critiques de films d'horreur, j'écris un livre. Oui, t'écris un livre en ce moment. C'est cool. Oui. Est-ce que ça avance bien? C'est dur. Alors, moi, je suis... On est avec Adrien Méniel. Bonjour. Bonjour Adrien. Bonjour. Méniel. Oh, les auditeurs qui sont quand même au nombre de 230, te connaissent bien maintenant. Oh, les fidèles auditeurs, normalement, devraient avoir une petite idée de qui je suis. Si vous avez écouté le premier épisode, c'est celui qui a gagné le jeu du carambar. Oh merde! Ah ouais, d'accord, non, je suis pas au courant. On crée déjà des runnings, enfin, tu vois, des trucs. Ouais. Moi, j'ai mis de côté mes papiers de carambar. donc, Adrien Méniel, auteur, on le rappelle. Voilà. Mec marrant. On peut résumer avec marrant? C'est ton initiative, moi je veux. Moi je trouve que t'es un mec marrant. Okay. Ninja surtout, on peut, pour les gens qui ne savent pas. Oui, aussi. Aussi oui, ouais. Parce que t'as sorti une vidéo cette semaine. Non, mais qui voilà. Très marrante, qui s'appelle Défense personnelle. Merci. Avec monsieur Vincent Tirel. Exceptionnel Vincent Tirel. Tu as fait du kung fu toi aussi, donc en club, hein, comme les toujours, gens. Toujours, j'en fais toujours. Tu fais du nunchak. Ouais, du nunchak, shuriken. Ouais. Beaucoup de shuriken. Ça, c'est vraiment bien. Et je casse des battes de baseball. Avec les jambes. Avec ses yeux. Avec c'est très tous les membres. C'est superbe. Et on est avec François Descrac. Bonjour François. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Que François Descrac, créateur du Mystère du Futur. Oh ouais. Une des personnes derrière French Ball. Mm-hmm. Et ouais. En ce moment, tu es dans la série de Slimane Baptiste Beroun. Oui, putain, qui oui. Qui s'appelle la... Oh, j'avais oublié ça. Qui s'appelle la... Il déteste, vraiment, il déteste participer à cette série. Mais non, mais j'ai très peu le souvenir du tournage de quand j'ai tourné toutes mes scènes. Ce qui fait que je suis surpris quand les gens m'en parlent, en fait. Bah si, parce que tu es dans la théorie des balls. Ouais, c'est vrai. Théorie des balls de Slim, dans lequel tu joues. Oui, je joue Eugène, oui. Enfin, je joue... En fait, je sais pas, pour ceux qui ont vu la série, j'ai pu justifier le fait que mon personnage jouait très mal. et je suis très content de l'avoir placé dans l'épisode 8. Voilà, mais c'est une très bonne série. En même temps, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous l'avez sûrement vu. Mais si ce n'est pas le cas, courez-y, c'est très bien. Écoutez, je suis très content que vous soyez tous ici. Et toi, tu t'es pas présenté? Oui, moi, c'est vrai que c'est super prétentieux. Bah ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Flaubert, je m'appelle Florent dans la vraie vie. Mmh. Et je fais des vidéos sur Internet. On peut dire que tu es l'inventeur du loup. Je dis pour les gens. L'animal. L'animal existait, mais j'ai inventé le concept qui tourne autour et le nom, c'est moi qui l'ai donné. Tu l'as popularisé. Je l'ai popularisé en France, en tout cas. Quand même un gros truc. Et je fais des podcasts. Donc. Écoutez, je suis très content que vous soyez là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine tranquillement? Moi, je vais commencer. Ah ouais, commence. Moi, j'ai vu beaucoup de films cette semaine. Et j'ai vu, par exemple, Birdman. Il y a des gens qui ont vu Birdman autour de la table. Non. Je vais non. David Koskas a vu. Je l'ai complètement vu. As-tu apprécié cette vidéo au cinéma? J'ai adoré. J'ai liké immédiatement. j'ai mis un pouce. J'étais comme ça pendant le film. non, c'était. Ouais, c'est agréable. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un peu dommage parce que c'est dur de dire que c'est du génie, vu qu'en fait, tout le monde l'a déjà dit. Oui, c'est ça. C'est un peu con. Ouais. Mais c'est vraiment du génie. Hein. Qui a eu genre une 35 Oscars, je crois, un truc comme ça. C'est genre meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario. Enfin, tous les trucs vraiment cool. Il a eu l'Oscar de tous les trucs vraiment cool. Ouais. Quoi. Surtout qu'à la fin, donc. Non. Ça, c'est vraiment con. Comment? Parce que, c'est la fin. C'est... Disons que si tu conseilles le film à des gens et que tu dis la fin, c'est d'accord. Super con. Quoi. Parce que quand il sort de. Si t'es vraiment en train de spoiler le film, je te hais vraiment. Tu sais que je voulais le voir demain et que j'hésitais entre ça et Kingsman et je sais maintenant que je vais voir Kingsman. En fait. Non. C'est-à-dire... les spoilers, vraiment, alors, c'est horrible. Parce que donc, on en parlait. Mon avis, faut pas me demander. Hein. Si on veut pas l'écouter, mon avis, je le donne pas. C'était plus que tu racontais le film, en fait, plus qu'un avis finalement. Bah, je le raconte. Je vais tellement le garder devant. Non, c'est super cool. Et vraiment, en même temps, comme tu dis, tout le monde a dit que c'est trop bien. Ouais. Donc, on peut rien dire d'autre à part aller le voir. Par contre, l'abondance spoil vraiment. Moins oui, David Koskas, mais vraiment, elle spoil énormément. Et du coup, évitez de la regarder parce qu'elle gâche les plus beaux moments du film, en fait. Donc, vraiment, faut pas regarder l'abondance. Et les acteurs sont ouf. Ouais, le casting est assez malade quand même. Le casting est dingue. Donc il y a Michael Keaton, voilà, qui est dans un truc un petit peu, n'est-ce pas Le mec, il fait Batman et puis il fait Birdman après. Tu non vois, mais en mec. Fait, ouais. Non mais personne n'y avait pensé. Non, vraiment. Non mais on apprend rien aux gens, mais effectivement en fait tout le Beetlejuice. Film. Beetlejuice. On est sur une parallèle. Je n'ai donné que des noms de films avec Michael Keaton tout le long. Sans rien. Tout le long. C'est ce que je voulais faire et je me suis rendu compte que il y en avait que deux. Plus d'autres. J'ai aucune culture cinématographique. Le journal. Ok. Mais le journal. Question pour un champion. Mais en gros, ouais, Michael Keaton est trop bien. Et aussi Edward Norton. Edward Norton est vraiment ouf dans Fight le film. Club. Ça va être le genre jeu préféré directement. Il est rentré dans mon top 1. Et donc voilà, non, vraiment, allez voir le film. Il y a un truc un peu bizarre, sans faire le mec qui veut absolument trouver un truc pour défoncer le film. Il y a un truc qui est vraiment dommage, c'est que tout est très malin. Mais les personnages féminins sont vraiment nuls. Et c'est vraiment super. Ouais, il y a un truc un peu sexiste quand même où les. C'est rare au cinéma. Ouais. Mais il y a un truc vraiment un peu nul où les personnages féminins existent que par rapport aux personnages masculins. Et c'est vraiment dommage parce que ça. Enfin, il y a le personnage d'Emma Stone qui est vraiment intéressant. Et ils vont pas vraiment quelque part avec, je trouve. Après, dis-moi ouais, si. Non, dis-moi. J'ai pas ressenti ça, mais bon, j'aime pas trop les femmes donc. Voilà, ça m'a pas choqué pour être très franc. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que bah, je comprends que tu dis ça. Là, comme ça, je vois pas, mais. Ouais. Mais ou Jack, qui putain, ouais, excuse-moi. Ouais, je reprends. C'est Jack, son blast, Jack. Son je savais oui que c'était un prénom indien. Donc, Jack, est-ce que. C'est quoi ça, comment ça s'appelle le truc déjà? Le test de Bechdel. Excellent. Putain, mais tu lis dans mes pensées donc. Je ne sais pas. Et en fait, le test, peut-être on peut expliquer ce que c'est. Fait intéressant. La chanson Anaconda de Nicki Minaj passe le test de Bechdel. Ah oui, d'accord, ok. Mais justement, ouais, expliquons aux gens peut-être qu'ils ne connaissent pas ce test. Alors, que je dise pas de conneries, il faut qu'il y ait au moins deux personnages féminins, c'est ça, qui ont une conversation ensemble qui ne concerne pas un homme. Voilà. En gros, que si à partir du moment où, par exemple, des films comme Titanic, je crois, peut-être je dis c'est le seul qui le remplit, mais je crois pas. De souvenir, je crois qu'il le remplit pas. En gros, il n'y a jamais une scène où deux meufs discutent d'autre chose que d'un mec, en fait. Et en gros, tu te rends compte souvent au cinéma que tous les personnages féminins parlent forcément à un mec, ou quand elles parlent entre filles, parlent d'un mec. Et il y a très peu de films qui remplissent ce test. Et, c'est même déjà rare qu'elles parlent entre elles, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et quand elles parlent entre elles, elles parlent d'un mec. Mmh. Voilà. Bah, y a très peu très de, peu de films, très peu de films qui remplissent le truc. Et Birdman le remplit absolument pas. Aucun sketch de Golden Moustache. Aucun sketch sur Internet en général. Et vous avez vu des trucs vous cool ou pas du tout? J'ai vu Les Nouveaux Héros. Et c'est bien. J'ai pleuré pendant 80% du film. D'accord. Donc c'est pas bien. C'est de la merde, c'est horrible. Mais non, c'est trop bien. Bah après, moi j'ai déjà pleuré devant une pub pour le beurre, hein, donc je suis pas. Laquelle? Cela dit, c'est une pub anglaise. Ah ouais. Voilà. Ils sont forts les Anglais. Bah ouais, non mais ils se faisaient des tartines pour les gens qu'ils aimaient. Ils avaient une larme. C'est le dernier tango à Paris, c'est celui-là. Hein? Non. Est-ce que c'était une larme de beurre? Beurre dans le cul. Oh putain. L'intervention. Mais c'est vrai que là. J'aimerais décrire son visage. Il est content, il sourit, il a des petites rides. Il a des petites rides du sourire. Car il est vraiment fier de sa blague. Le fait d'enregistrer le podcast passé 21h n'était pas du tout une bonne idée. Un vendredi soir, c'est excellent. Et ouais, donc les nouveaux héros, c'est cool. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. On parle toujours de la pub du beurre là. Hein. Non, on parle vraiment des nouveaux héros. Et il paraît que c'est genre, c'était très longtemps qu'un Disney n'était pas cool. Parce que c'est vrai que tous les bons Disney, ces derniers temps, c'était des Pixar. Et il paraît que c'était quoi le dernier Disney? Frozen? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est de la merde. Ah, c'était pas quoi, bien. Bon, il y a une mare. Jack Parker se baladait près de cette mare. Ouais. Elle a trouvé un pavé sur le chemin. Qui traînait comme ça? Il traînait. Elle l'a lancé dedans. Non. C'est un peu, je te jure. Waouh. Attends, eh, mettez vos impairs. Et vos bottes. Rapport aux éclaboussures. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc Frozen c'était de la merde, mais Les Nouveaux Héros c'est bien. Oui, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord. Tu l'as vu en VF ou en VO? Je l'ai vu en VO, donc j'ai pas entendu Kian. Oui, parce que c'est Kian qui double BMAX. BMAX. BMAX qui est un vélo. Qui est un vélo, donc Baywatch. Un des meilleurs personnages de Disney depuis longtemps. Hein. Ah ouais, il est cool. Il est trop bien, je veux le même. Mais en mille. Attends, parce que tu disais un truc sur Frozen, t'as détesté, c'est horrible de dire ça. Mais c'est pas bien, Frozen. Mais pour quelle raison? Donne deux arguments. Peut-être que t'as un cœur de glace. Rapport au film qui parle de glace un petit peu. Je l'ai pas vu. Ceux qui nous écoutent, je suis sûr 99% à kiffer. Alors vas-y, explique-toi. Oui, mais devant c'est eux. Sûr. Non, mais déjà, je trouve que c'est trop. Et pendant que tu parleras, je ferai. Ah là là là là. On t'écoute. Déjà, c'est trop. Eh ben, ça n'a pas convaincu l'autre. Eh ben, moi, je vais vous dire, j'ai kiffé. Mais pourquoi t'as kiffé? Mais parce que c'est stylé. Bah, c'est un argument, ça, peut-être. Bah, ouais, exactement, c'est un argument. Bon. Bah, non, mais c'est beau, et fin du débat. C'est un beau film. Mais est-ce que. Pour faire genre, tout le monde qui a bien aimé, du coup. Jérémy, j'ai parlé à Jérémy. Jérémy Parker. Jérémy Parker qui est là. Jean-Luc Parker. Excuse-moi, je reviens sur toi, Jack. Jack, oui. tu as détesté parce que tout le monde a adoré, en fait. Bah, non, je suis la première à aimer des trucs que elle tout le monde aime. Elle n'est pas ado, donc. Bah, voilà, il suffit de me dire ça, c'est pas compliqué pour me convaincre. Pour toi, t'as vu un film, peut-être lu une BD, entendu une chanson de Nada Surf, par exemple. Absolument. Non, je sais pas. Ouais, j'ai vu une super série qui fait que 5 épisodes et sur Netflix et qui est juste trop bien et que personne n'a regardé. C'est King Julian, qui est le spin-off de Madagascar avec les Lémuriens. Et c'est juste excellent. Ah, c'est vrai, c'est drôle. C'est vraiment très marrant. Et comme c'est une série pour enfants, mais sur Netflix, les mecs, ils sont en roue libre. Et il y a des blagues sur les fouilles anales dans les aéroports. Ah, ouais. Mais déjà, le personnage. Comme dans Frozen. Ouais, voilà. Ouais, non, j'ai pas compris. C'est un truc, je crois. Ouais, il y a un moment. Hein. La glace, c'est trop mal. La glace, c'est trop. Mais cela dit, attends, effectivement, dans le film, le personnage est génial. Ouais, mais là, vraiment, c'est très, très drôle. Et est-ce qu'il souffre pas de la maladie du en second rôle il est excellent non. Et en premier non, on justement, en train de en fait justement c'est ça qui est génial c'est que c'est un en fait la série a un concept génial c'est un royaume de tarés quoi et c'est trop drôle. Il y a un épisode où pour passer incognito il prend une banane et il dit ah ben de toute façon comme j'aime pas les bananes les gens vont pas me reconnaître parce qu'ils vont dire que j'ai une banane. Donc il marche c'est une banane et tout le monde dit on dirait le roi Julian. Ah ben non il a une banane et comme le roi Julian, les bananes c'est pas lui. Okay. Ils font tout un épisode là-dessus où ils parlent avec une banane dans la main et personne ne le reconnaît. Quoi. Okay, je le regarde en rentrant chez moi. Okay. C'est la fin de ce podcast. Merci. Vous allez voir Madagascar. D'accord, cool. Par contre, King Julian. Et c'est, King Julian. C'est vraiment très bien. J'irai le voir sur Popcorn Time gratos. Le dire à haute voix. Non, mais est-ce que je suis allé voir Bob l'éponge le film aussi? Ah, c'était bien. Non. Vraiment, non. Non, vraiment, vraiment, non. Oh là, c'est chiant, c'est devenu chiant, j'adorais, mais. trop t'as chiant, non, j'ai adoré. Moi, j'ai joué à un jeu de société. Ah, dis-moi. Qui s'appelle Concept. Dis donc, il me semblerait qu'on ait partagé un petit peu un plateau autour de ce jeu. Exact, ça n'avait aucun sens ta phrase, mais exact. non, et c'est hyper bien. Alors, pour faire court, en gros, il y a des cartes avec des choses à faire deviner. Ça peut être une expression, un film, un personnage de film, blablabla, ou un individu historique. Et il y a un plateau sur lequel il y a plein d'idéogrammes qui symbolisent des concepts. Donc, par exemple, il y a un idéogramme homme, un idéogramme femme, un idéogramme cinéma, télé, plus petit, plus grand, large, blablabla. Et en gros, pour faire deviner aux gens le truc qui est sur la carte, il faut placer des pions sur les concepts qu'on considère correspondre au truc et on peut faire on place le concept principal et on place des sous-concepts et on fait des roublardises et tout. C'est très enfin c'est super je pense que vraiment on adore ou on déteste ce jeu. Moi toi tu as passé beaucoup de temps avec Julien. J'ai joué hier soir avec Julien Josselin dans les locaux dans lesquels nous nous trouvons à l'instant même. Très bien. Et non, c'est vraiment très bien. Quoi. C'est très addictif et c'est le bon jeu de soirée où tu peux mettre de la musique à fond et d'autres gens font d'autres choses. Enfin, t'es pas obligé d'être concentré, te dire que ça va durer 3 plombes, t'arrêtes quand tu veux, tu comptes à peine les points. Nous, on y jouait à la cool où on comptait pas les points et tout, donc les gens pouvaient venir, ils jouaient, ils repartaient. Ils c'est vraiment le jeu c'est cool où t'es pas bien. Obligé d'être là dès le début et attendre que la partie se finisse. Enfin, c'est vraiment mais sympa. C'est vraiment le jeu pour les gens qui aiment bien. Par exemple, je pense un bon truc pour savoir si vous allez aimer ce jeu ou pas, c'est si vous vous souvenez pas d'un truc, un truc que vous voulez citer, vous avez oublié ce que c'est. Si vous êtes le genre de personne qui fait ah, faut que je me souvienne parce que sinon ça va me tourner dans la tête toute la soirée, le jeu va vous plaire. Mmh. Et si vous êtes genre bon, je vais chercher sur Google, je m'en bats les couilles, peut-être tu que vas ça va détester, pas vous plaire. Ouais. Voilà. Et puis tu vas être chiant, ça va être très chiant de jouer avec toi. Voilà. Ça va être très très chiant de jouer avec toi. Voilà. Très bien. Bah, non mais c'est la petite liste du début de l'émission que j'aime bien faire où comme ça les gens s'ils ont pas envie de nous écouter parler de choses et d'autres, ils peuvent s'arrêter maintenant et regarder ou écouter ou jouer tout ce qu'on leur a conseillé. Ils peuvent regarder Vendredi, Tout est permis avec Arthur, par exemple. Et s'il y a Harry Habitant. Sinon, il y a. Sinon, avec Claudia Tagbo. voilà, les réguliers qualitatifs. Faux. Donc, vraiment, on va jamais t'entendre. Hein. ça va, c'est cool. On a le droit de chier sur Tagbo quand même. Merde. Évidemment. Évidemment. Évidemment. Bon. Moi, cette semaine, j'ai fait un truc. Alors, je m'étais dit, pour préparer l'émission, ce serait cool d'avoir un sujet. Parce que c'est vrai que dans la dernière, on n'en avait absolument aucun. Mais bon, voilà. Et je me suis dit, j'ai repris contact, en fait, avec une nana dont j'étais amoureux au lycée. Si je peux me permettre, il y avait quand même le sujet de la femme qui avait une moustache Hitler en sperme. C'est pas un sujet, ça. Putain, il y avait effectivement un sujet. Ton sujet, on l'annule, on part sur la moustache Hitler en sperme. C'est super. C'est peut-être la même que ta copine. C'est là où c'est fou, où tout se recoupe. Ah oui, d'accord. Non, donc effectivement, je me suis dit, tiens, je vais reprendre contact avec cette nana dont j'étais amoureux au lycée, parce que je lui ai jamais dit. Et je me suis dit, ce serait cool de lui dire maintenant, lui dire, bon, t'inquiète, c'est terminé, c'est une nana que j'ai pas vue depuis. Depuis un an, quoi. Depuis un an, parce que je suis en fac, non. Puis ça fait du coup bien 5 ans que je l'ai pas vue, donc je me suis dit, ça va pas paraître bizarre ou quoi que ce soit, parce que c'est juste en mode lointain, quoi, et là, sa vie et tout va bien. Et ce qui est assez fou, c'est que je n'ai pas eu les couilles d'envoyer ne serait-ce qu'un message, parce que je me suis dit, oh non, peut-être c'est bizarre et tout, et puis je fais. Ouais, non, puis peut-être que je peux pas. Et c'est con parce que je pense que c'était vraiment un bon sujet de podcast que je n'ai pas fait. Ah merde! Du coup, bah, non, mais. Prends bien en dépourvu parce que je pensais qu'on allait parler de ça, moi. Mais alors, justement, nous allons parler de ça parce que, mine de rien, c'est un peu marrant, je trouve, que malgré les années qui passent, le fait que, entre temps, moi au lycée, j'avais pas du tout confiance en moi, mais ça va un peu mieux quand même. Et que, sachant que je veux évidemment pas me mettre avec cette personne qui vit donc en Bourgogne et moi à Paris. Si elle accepte. Évidemment. Mais peut-être, en plus, ouais. Moi, je sais pas. Attends, mais c'était. En fait, tu nous as fait venir pour ça, putain de merde. En fait, juste pour qu'on puisse avoir une discussion avec toi. Avec toi. Et après, tu vas contacter ta pote et elle va venir. Ça. Elle va dire. Mais en fait, je t'aimais depuis le début, ouais. Flaubert. Mais tu nous avais parlé. En fait, c'est fou, mais cette meuf est fan du Visiteur du Futur, de Défense Personnelle, du Fat Show et de Mademoiselle.com. Oh. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de que vous soyez tous là pour lui prouver que je suis un mec cool. Je me suis dit que c'était vraiment cool. Bon, alors, donne-nous il a inventé une blague. Ah ouais, non, moi, les compliments, je les prends toujours, même quand c'est faux. Non, mais donc voilà, et je me suis dit, putain, c'est fou d'avoir toujours ce petit stress, ce petit truc, alors que clairement, je m'en fous. Oui, d'accord, d'avouer en fait ses sentiments. Avouer ses sentiments à cette personne. Mais t'avoues pas de sentiments. Je crois que c'est un truc qu'après 25 ans, ça disparaît. Ouais. Tu penses ? Ouais, parce que moi, je l'ai fait il y a pas longtemps. J'ai avoué à un de mes crushs de l'époque que je me touchais sur lui. Et mais vraiment, j'ai été super cru et super. Et j'en avais rien à branler, alors qu'il y a deux ans, j'aurais été incapable de le faire. Mais après 25 ans, je pense que t'en as plus rien à branler de ce genre de truc. Et alors, comment il a réagi du coup ? Il était tout timide comme un coup, genre ouais. Après, il a voulu commencer à me chauffer. J'ai dit salut, je me casse, je vais baiser. Parce que. Vengeance Donc, le mec qui avait rien le demandé. Le mec a rien demandé. C'est horrible, le mec a rien demandé. Mais non, mais il m'a ignoré salement à l'époque. Vraiment, j'étais chaude sur toi. Ah, cool. Bon, je me casse. Ciao. Et tu voudrais qu'on prenne un verre ? Non, on va te faire foutre. Non, je voulais. Mais non, mais parce qu'il était hyper con à l'époque. D'accord. Ah oui, donc c'était vraiment une vengeance. Ah oui. Enfin non, pas une vengeance consciente. Je me suis pas dit je vais faire ça pour me venger. C'est juste que je me suis dit juste tiens. Juste de la pure méchanceté quoi. Ouais. Okay. Sincère. Ce qui est naturel chez toi en fait, tu t'en rends pas compte. À partir de 25 ans, on devient méchant. En fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, le passage à l'âge adulte, en fait. Mais on redevient gentil à 32 ans. Non, mais ce qui est fou, c'est que je pensais que passer j'ai 23 ans, bon, je suis pas un adulte, mais je me sens quand même plutôt bien dans la vie. Ah, 23 ans, encore un bébé. Mais oui, mais je me sens quand même. Ça, j'aime pas. Non, merde. Il y a des gens, tu sais, qui ont 45 ans, qui sont vraiment des gros gamins. Oui, non, mais je dis pas ça. Je dis juste que c'est normal d'être un bébé à 23 ans et moins à 42. C'est vrai, t'as complètement raison. Et c'était tellement nul. Je vais être vraiment coupé. mais toi, tu m'as dit, parce que quand même, je vous ai prévenu qu'on allait parler de ça, et tu m'as dit que t'avais une histoire un peu marrante, Taous. C'est pas marrante, c'est flippante, parce que j'étais vraiment une putain de psychopathe quand j'avais 15 ans. Je crois qu'on est tous un peu psychopathes. Hein, non, mais je suis allé très loin. Ah bah. Ok, on va être mal à l'aise. Vas-y. On va être mal à l'aise ou est-ce qu'on va rire ? Non, vous allez rire. Je pense que ça va, je suis pas non plus allé chez lui lui chanter des trucs sous sa fenêtre. Ah bah, c'est quand moi je vais raconter un truc que vous allez être mal à l'aise. Okay, très bien. Donc bah, vas-y, je t'en supplie. Alors, moi c'était quand j'étais en seconde au lycée Jacques de Cour dans le 9e. Je continue à le dire parce que. En inspirant, juste s'il te plaît. Tu fais l'anecdote en inspirant. Non, c'est impossible. Si, tu fais de parler comme ça en inspirant, c'est pas compliqué. On t'écoute. Voilà, c'est bien. Tu dis vraiment le lycée exact. Oui, oui, non, parce qu'en fait, j'ai l'espoir un jour de le retrouver. D'accord. Parce que je suis persuadée qu'on est fait un pour l'autre. Tu l'as perdu ? J'ai jamais réussi à le retrouver. Même Facebook et tout. Non. Ah merde. Si tu nous écoutes, décroche ton téléphone. Je vais parler que comme ça jusqu'à la fin du podcast. Vas-y, Jack, continue. Bah, du coup, je reprends. Donc, j'étais en seconde au lycée Jacques de Cour dans le 9e arrondissement de Paris. Et lui, il s'appelait Benjamin, il est en terminale ES2. Benji. Si je me souviens bien. D'accord. Non, Benji, c'est horrible. Benji, c'est pour Charlotte. Benji, tu nous écoutes. Eh, ceux qui s'appellent Benjamin, ils ont les oreilles qui sifflent ou pas? Allez, continue. Pardon, désolé. Est-ce qu'on peut avoir son nom de famille? Eh ben, justement, je sais pas. C'est que tu l'aimais pas vraiment. Castaldi, peut-être? Non, je déconne, c'est un présentateur télé. Allez. Donc, du coup, dès le début de l'année, en fait, il y avait une rumeur qui courait chez les secondes qu'il y avait un super beau gosse en terminale, qu'il fallait absolument le regarder. Et donc, j'ai une pote qui est venue me voir un moment dans la cour et qui m'a dit: viens, faut absolument que tu viennes mater ce mec-là. Venez, on va le regarder. Tu vois? Mais oui. Et t'as des bancs et t'as du popcorn et tu fais. C'est des filles de 15 ans, les filles de 15 ans. C'est une vie de 100 ans en fait, ça se passe, c'est derrière une vie de 100 ans. Voilà. Et ils dansent. Faut pas oublier que les adolescentes sont tarées. Quand il s'agit d'hormones, on est taré. Donc, elle m'emmène voir ce mec-là et comme il faut pas se trahir tout de suite, au début, je me suis juste dit, bon, ça va, il est pas mal, mais sans plus quoi. Sauf que j'ai développé une obsession complètement malsaine pour ce type. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je séchais les cours pour le voir. Ah oui, d'accord. Je demandais à aller aux toilettes pendant les cours pour essayer de le croiser dans les couloirs du lycée. Donc je faisais tout le tour du lycée, qui était un très grand lycée. J'allais dans les deux cours, j'allais voir aux toilettes s'il était là. Des garçons ? Ouais. Oh non, mais en fait, c'était les toilettes ouvertes sur la cour. C'était assez. Quoi ? Non, c'était un branloir. On appelle ça un branloir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Tu sais ce que moi, si un jour j'étais allé dans les chiottes des mecs et qu'il y avait une meuf, tu sais ce que j'aurais fait ? Dis-moi. Rien. J'aurais eu peur. Ah, là, j'aurais eu peur. Donc, ouais. J'ai continué à nourrir mon obsession, ça allait de plus en plus loin. C'est-à-dire que je... Pendant combien de temps à peu près ? Bah, toute l'année. Ah oui, oui, très, oui, bien, oui. Très bien. J'écrivais son nom partout sur les murs et les tables du lycée. Oh. J'écrivais des poèmes au Tipex dans la salle de permanence pour lui dire que je pouvais mourir pour lui, que c'était l'homme de ma vie. Mais tu disais pas ton nom, bien sûr. Non. Qui était Jack Parker, je le rappelle. Voilà. Donc, non, je déclinais jamais mon identité, mais vraiment, tout le lycée était rempli de mots d'amour pour Benjamin qui étaient écrits par une seule personne. D'accord. C'était moi. Ça se trouve, il pensait que c'était trop un beau gosse, que toutes les meufs le voulaient. Bah, toutes les meufs le voulaient, effectivement, mais il y en a une qui allait un peu plus loin que les autres. D'accord, ok. Voilà. Je demandais à mes potes qui taguaient. De me faire des énormes tags avec marqué Benjamin pour les accrocher dans ma chambre. Ah oui, bien. D'accord. Voilà, j'ai ramassé une pièce de 1 centime qu'il a fait tomber. Oh putain, génial. Je n'ai plus aucune estime pour toi. Là où ça allait vraiment loin, c'est que j'ai... Je l'ai assassiné. Avec la pièce. Je me suis fait un masque avec sa peau. Depuis, voilà. La base. C'est que, donc, du coup, j'ai échafaudé un plan avec une pote à moi pour que ses deux sœurs, ses deux grandes sœurs, viennent nous chercher à la sortie du lycée. Elles sont allées le voir pour lui dire « Hey, on n'était pas dans un cours de théâtre ensemble », alors que c'était absolument pas vrai, mais c'était une excuse pour... voilà. Et elles me présentaient à lui, et du coup, comme ça, on allait sympathiser et devenir amis, et coucher ensemble, et se marier, baiser. Et rester ensemble pour toujours. Donc ça s'est déroulé comme ça, elles sont venues nous chercher, elles sont allées le voir en disant « Hey, on n'était pas dans un cours de théâtre », il a fait « Non, pas du tout », enfin, il était un peu traumatisé. Et il fait la bise à tout le monde, machin, et elles lui disent « Hey, je te présente Jack ». Et moi, je fais « Enchanté », il s'approche vers moi, il me tend la joue pour que je lui fasse la bise, et j'ai tendu ma main. Ah oui, c'est normal. T'as touché sa bite. Je lui ai serré la main. Ah. Voilà, et donc dans mon journal intime, il y a marqué en gros 23 janvier 2003, si je dis pas de conneries, un truc comme aujourd'hui, j'ai serré la main de Benjamin. D'accord. Mais... Et je portais des mitaines à l'époque. J'ai gardé la mitaine que j'ai accrochée au-dessus de mon lit et que je n'ai pas lavé et que je sniffais avant de dormir. Ah non. Et donc j'étais persuadée que du coup, vu qu'on s'était serré la main et qu'on s'était dit bonjour, à partir du lendemain, on se dirait bonjour dans la cour et que on l'avait fait, c'est jamais arrivé. Et c'est la dure loi du lycée, putain. Voilà. Il arrive en privé, n'est pas. Mais t'avais ton ADN et t'as pu le cloner. Voilà. Et depuis, dans ma cave, j'en ai 12. D'accord. Ok, Benjamin, si t'as entendu cette anecdote et que ça te dit quelque chose, tu peux appeler Hubert. Là, je pense que vraiment, s'il vient entendre cette anecdote, il a qu'une envie, c'est de te rencontrer. Je pense vraiment, c'est un truc. J'étais même allé au Monoprix pour sniffer tous les gels, des gels pour les cheveux de garçon, pour essayer de retrouver celui qui l'utilisait, pour pouvoir le sniffer aussi et avoir son odeur sur moi. Folle. Très clair. Est-ce qu'on peut vraiment, et c'est vraiment une question, hein, c'est pas du tout un jugement. Est-ce que tu peux être incriminé pour ça? Est-ce qu'on peut te mettre en prison ou non, parce que comme je te disais, je suis pas allé chez lui, je l'ai pas suivi dans la rue, je l'ai pas touché. Ça t'a traversé tellement l'esprit. Et d'ailleurs, mon premier pseudo sur internet vient de lui. C'était I Love Benj. Non, mon premier pseudo c'était Bonne Maman. Parce que c'était le surnom qu'on lui avait donné, parce qu'il portait des caleçons à carreaux qui apparaissaient sous son baggy de skater. Ça m'a un peu excité, cette fois. Et ça ressemblait au couvercle. Ah, c'était un skater. Voilà, bah oui, évidemment. Il était Limp Bizkit ou pas? Merde. Non, putain. Il écoutait Korn. Ah, bah oui. Et System. T'es plus vieille que moi. Voilà. Ouais, d'accord. Moi, j'écoutais Limp Bizkit. Mais moi, personne n'écrivait mon nom, par contre, enfin moi, j'écrivais mon propre nom sur les tables en me disant putain, c'est qui? En fait, c'était moi. Mais moi, ça m'est arrivé ça, mais c'était une malheur. Il y avait une fille que je kiffais qui, et sur sa taille il y a marqué François. Je dis putain c'est trop bien et tout, j'étais trop content. Donc j'arrive à lui parler en mode bon bah ouais, ça va et tout. Et en fait j'ai compris plus tard que c'était une autre meuf d'un autre cours qui parlait d'un autre François. Bah ouais, François premier en l'occurrence, voilà. C'était un roi de France. Voilà. C'était une autre sèche, tu vois, avec une date et tout. Mais putain, mais oui. Mais moi j'avais cette maladie nulle d'être dans la même classe d'un mec qui a le même prénom que moi et qui est infiniment plus cool que moi. Gustave Flaubert. Florent Dorin. Non, c'était pas Florent Dorin. Non, c'était un mec qui s'appelait Florent et à chaque fois c'était hey, Florent. Je fais, oui, ah non. Ça c'est l'histoire de ma vie par contre. Hein. De quoi? Bah d'être le mec qui dit ben ça c'est plutôt au primaire hein. Genre Florent, il disait ouais j'aime bien cette fille, va lui dire. Je fais ok, hey, y a Florent qui t'aime bien, il veut te voir ce soir. Elle fait d'accord. J'ai voir Florent, elle fait c'est bon. Oh, le nombre de fois où j'ai envoyé des mecs faire ça, ils sont toujours revenus en disant c'est mort. Avec la fille, mec, j'ai fait un vrai truc de pute. Il y avait un pote qui m'a demandé ça pour une nana qui me disait putain mec je l'aime bien, tu veux pas aller lui dire? Sauf que je l'aimais bien aussi cette nana. Du coup j'y suis pas allé. Et je suis venu le voir, je fais c'est mort, je crois qu'elle t'aime pas du tout. Oh là là, bien méchant. Horrible. Il s'est suicidé. Non mais sinon il y a un avantage qui est pas mal quand t'es jeune et que t'oses pas trop parler aux filles, comme moi t'es gros. C'est comme ça tout le monde sait, bon non lui il est gros, c'est mort. Y a rien à faire, t'as même pas besoin de parler, y a rien, t'es gros, c'est mort. Et c'est cool du coup parce que ça évite vachement de quiproquos et tout. Tu sais. Fini quoi, il risque de rien se passer, c'est à peu près sûr que tu te lèves le matin, personne viendra te parler. Toi-même tu vas pas vers les gens, tu sais très bien que c'est mort. Donc tu bouffes. Et voilà, après tu parles, tu racontes ça à ta mère le soir en rentrant qui te fait à bouffer encore plus du coup. Vu que c'est parce qu'elle-même elle a raté un truc dans ton enfance et que la seule façon qu'elle a trouvé pour se rattraper c'est de te faire bouffer. Mais attends, après tu fais de la musculation. Et c'est là où le ping-pong intervient. C'est vrai que t'as c'est ça le lift. Aussi. C'est au moment du lift que toute ma vie a pris un sens. Quand j'ai compris le top spin, là, boum, j'ai pris un essor incroyable. Mais donc en fait, on a que des losers autour de la table un peu. De lycée, je parle, bien sûr. Oula, oui, non. Mais même bien après. Techniquement, ouais. Non, mais sérieusement, je pense que même les beaux gosses sont persuadés d'être des losers en fait. Ils disent oui, oh là là, j'étais en galère au lycée. Ouais. Et je pense que c'est rare quelqu'un. Enfin. Non, mais en fait, c'est juste que quelqu'un qui est vraiment un beau gosse et qui n'a eu aucune lose, il ne fait pas un peu rigoler, il ne peut pas être là autour de la table. Il ne peut pas faire rigoler, il a, tu sais, fait, vraiment tout va bien. Non, mais je pense qu'on s'estime toujours loser par rapport à ses ambitions en fait. Donc, moi, mon ambition c'était de me faire une meuf. Donc, j'étais un loser par rapport à ça. Mais les mecs qui avaient des relations se considéraient peut-être loser parce qu'eux ils voudraient avoir beaucoup plus de. Ouais, ou la meuf. Enfin, genre celle que. Il y a aussi ce délire là de la personne que tu veux. Il y a aussi le délire de la personne que tu veux et celle qui veut pas toi. Enfin, ouais. Moi j'avais plein de potes, il y avait plein de meufs à leurs pieds, mais elles les intéressaient pas. Enfin, ils les aimaient pas. Nul, quoi. Oui, ça, non, mais c'est sûr. Mais il les avait fait. Mais peut-être même que. Bon, moi, c'est vraiment pas possible parce que j'étais vraiment très laid. Mais il y a sûrement des gens. C'est vrai. Qui sont. Vraiment. La photo est sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir, c'est fou. Moi, dans les trucs un peu chelous que j'ai fait, c'est un peu moins bizarre, mais c'est tout aussi pathétique. Moi, j'étais vraiment très, très, très amoureux d'une fille et longtemps. Parce que toi, ça a duré un an, moi, ça a duré trois. Hein. Vraiment. Et du coup, moi, j'étais vraiment devenu le pote. Par contre, moi, j'avais réussi à l'approcher. On se faisait souvent la bise. Ce qui est pire. Et ce qui est vraiment bien pire. Et pour son anniversaire, j'avais prévu de l'amener faire un truc que tous les deux. Donc, ce qui était bizarre, parce qu'elle ne savait absolument pas que j'avais ne serait. Enfin, tu vois, il y avait rien. C'est pas genre quand on se faisait la bise, les bouches étaient proches l'un de l'autre. Vraiment, il y avait que dalle, d'accord. C'était des bises sur épaule d'ailleurs. C'est... Ouais. Non, mais tu vois, elle sortait qu'avec des fouteux, tu vois. Et moi, vraiment, j'étais très, très, très opposé à ce genre de mec. Et je m'étais dit, nickel. Bon, pour son anniversaire, on va aller voir Franck Dubosc. Je m'étais dit que c'était le meilleur truc du monde. Je me suis dit, hey, on va aller voir Franck Dubosc, on va s'éclater. Pauvre con. Ah ouais, donc ce que je fais, c'est que je lui achète sa place, je m'en prends une aussi. Par les mêmes cases. Je me dis, hey, je vais faire un truc un peu romantique, je vais le mettre dans une enveloppe et le mettre dans sa boîte aux lettres. Parce que moi j'adorais le cinéma, je voulais que ce soit vraiment très romantique. Et ses parents sont allés voir Franck Dubosc. Et c'est depuis ce jour-là qu'il a du succès. Et elle tombe sur la lettre, elle me dit ah, oh, c'est bizarre. Je fais bah, c'est ton cadeau d'anniversaire, bon anniversaire. Vu qu'elle m'avait pas invité à son anniversaire, je l'ai donné dans la boîte aux lettres, tu vois. Déjà, c'est horrible. Non, elle est avec quelqu'un d'autre. Et elle me dit ah, mais c'est gentil, mais du coup, c'est trop cool de m'avoir pris une place, mais il y en a qu'une, du coup. Je fais ouais, mais j'en ai une aussi, comme ça on pourra y aller tous les deux. Elle me fait ah, cool, mais il y a d'autres gens. Je fais Oui, bien sûr. J'ai même pas essayé. Il y aura dans la salle, il y aura d'autres gens. Tu ouais, non, mais ouais. J'ai même pas essayé. J'ai fait oui, oui, bien sûr. Elle fait ah, bah c'est cool. Il y aura Franck, quoi. Il y aura. Ce serait cool qu'il y ait donc ses potes. Je sais pas, j'ai des faux noms parce que clairement elles écoutent sûrement cette émission. Mais Émeric, Sarah, Lauriane et Josiane. Et je lui fais bah, je sais pas, peut-être. Elle fait oh, ce serait cool quand même. Je fais ouais, ce serait cool. Et j'ai acheté. Oh. Non, non, non, mais non, non, ne dis pas cette phrase. Suicide. Je leur propose, artistique. Du coup, aux autres filles, elles font ah ouais, c'est vrai que c'est sympa, Franck Dubosc, mais oh, c'est quand même 50 balles la place, pff, c'est un peu chiant et tout. On parle d'euros. Je fais, oui, 50 euros, pardon. Je fais ouais, c'est vrai. Je fais, au pire, je peux, enfin, c'est des avances sur vos anniversaires respectifs. Oh non. Oh. Et du coup, j'ai payé 4 places pour Franck mais... Dubosc. Oh, ça m'a coûté mais... 200 euros. Mais quel spectacle d'ailleurs. Il était juste Franck Dubosc, qui est une merde, hein, clairement. Ouais, ouais. Évidemment, on a baisé après. On non, sait pas. Voilà, évidemment, ça n'a. Bien évidemment, ça n'a. Ça n'a bougé, je crois tout. Vraiment, et c'est pas pour rendre l'anecdote encore plus triste, qu'elle ne m'a pas adressé la parole de la soirée, vu qu'elle était avec ses trois potes. Et moi, le truc vraiment triste, mais oh. Heureusement, j'avais un bon pote. J'ai ramené un pote à moi, à qui clairement je n'ai pas pris la place. Je lui ai fait, hey, je vais voir Franck Dubosc, il y a que des meufs, c'est nul, tu veux pas venir, franchement. Et du coup, il est venu aussi. Et ouais, 200 euros dans l'eau pour oh, cette putain. Personne. Okay, pour cette bah personne que j'embrasse et qui n'était vraiment pas fan de Franck Dubosc, c'est fou. Non. C'est-à-dire que c'est même pas bien vu, tu vois. Normalement, tu prends, je sais pas, Radiohead, tu vois, un groupe cool. Un peu cool, tu vois, un truc un peu romantique et tout. Et moi, vraiment, il y avait rien. C'était genre, Franck Dubosc. C'était un spectacle pour Sylvie Joly, quoi. C'est pas mieux. C'est l'époque où Franck Dubosc, il faisait toujours. Et c'était avant le drame. Ça, tout ça, il faisait tout le temps ça, là, dans son spectacle. C'était encore. Et il dansait et il me faisait monter des gens sur scène. Tu nous as bien défoncé la gueule avec ton anecdote, là. Je vois pas ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que j'ai fait Tous les dimanches, je passais autour de. Je faisais du vélo pas loin de chez elle dans l'espoir de la croiser. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Mais ça parce que mon plan était que, vu qu'à l'école, j'étais vraiment le mec pas cool. En fait, ce qui est horrible, c'est que je traînais avec les cools, mais j'étais le pas cool des cools. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est donc c'est vraiment le pire rôle du monde. Le marrant. Je faisais ça aussi. Moi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est le pire rôle du monde. C'est bah, McLovin dans Superbad. Tu vois, c'était et encore quoi dans Superbad, c'est pas des cools. Mais l'idée, c'était vraiment le loser de la bande de cools. Screech. Un peu. C'est un peu ça. Et pourtant, il a bien fini lui. Et du coup, je me suis dit, si je tombe sur elle un dimanche en vélo près de chez elle, il y a plus tout le carcan social dur du fait que je suis un gros loser. Et qu'elle verra qu'en fait, derrière cette couche, parce que moi je regardais des comédies américaines, donc normalement les gens comme moi baisent les filles belles. C'est ça, les gros c'est geeks. Problème, les geeks de merde, ils baisent les filles belles, parce qu'elles se rendent compte ce qu'ils sont à l'intérieur. Et dans le cinéma, tu veux dire. Voilà, mais moi bien. Quand t'es ado, tu te dis, bon, la vie c'est un peu le cinoche, non? Pas vraiment, parce que Los Angeles c'est pas la Bourgogne. Vraiment. Et t'as essayé d'être Batman aussi Pareil, c'est un échec cuisant. Un échec cuisant. Et ça n'a vraiment jamais. Je l'ai même pas croisé en vrai. Ça n'a jamais, jamais. Mais c'est marrant parce qu'en écoutant ton anecdote, ça me fait réaliser. Genre, il y a un truc qui vient de ressurgir de. Je l'ai enfoui loin. Mais ce truc-là, de traîner. truc de traîner dans la rue de quelqu'un dans l'espoir de le voir. Ah ouais, non, mais complètement. Je l'ai fait après le lycée. Ah, ah tu l'as fait la semaine dernière. J'ai véritablement stalké un mec avec qui c'était pas passé grand chose. C'était le grand frère d'une de mes potes que j'avais branlé à une soirée. Très bien. Bon, on peut arrêter là. Tu sais, atteint le. C'est clair. Jack, tu sais que je diffuse ce podcast. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait cette soirée? Qu'est-ce que j'ai vu? Rien. J'ai vu. Non, mais en plus, il avait une meuf. T'as branlé un mec. Je me souviens de branler un truc. Tu veux un coca, un fanta, une branlette. Ouais, ok, une branlette. Sinon, t'as vu le dernier épisode de Maggie? Non, mais pour te dire, c'est le plan pécho des losers où vraiment tu fais. C'était un mec maqué, d'accord. Grand frère d'une pote, ouais. Dans l'obscurité de sa chambre, et juste une branlette avec ma mitaine en laine en plus. C'est horrible. Cette mitaine, faut vraiment que t'arrêtes. Est-ce que c'était celle du mec avec qui t'avais dit non. Trop d'ADN dans cette. Et donc, du coup, il s'est passé ce truc-là pendant cette soirée. Clairement, c'était pas censé aller au-delà de ça. Ce que déjà pas mal, hein, au-delà de ça. Enfin, moi, ça m'aurait suffi avec la meuf avec qui je suis allé voir Franck Dubosc. La branlette, c'est bien au-dessus des histoires. Moi, je prenais ma retraite à 21 ans. Je prenais ma retraite. J'ai fait tout ce qu'on peut faire dans une vie. Moi, je partais dans le Kansas. Je m'achetais un ranch. Moi, j'écrivais un livre. Bah, écoutez, voilà, je peux faire part de mon expérience. Une femme m'a branlé. Je sais pas si. C'était pas moi. L'Himalaya de beaucoup de gens. Je suis allé au sommet, je suis redescendu. Vivant. Pardon. Bref. Ouais. Bah, tout ça pour dire que j'ai développé une obsession aussi pour ce mec-là et ça a duré au moins un an aussi. Et donc t'as essayé de le branler dans la rue cette fois. C'est ça le problème. J'y étais prête, franchement j'étais prête. En plus j'étais vierge à l'époque, il m'avait proposé de me dépuceler pour m'éduquer. Ah, c'est ah. Alors qu'il était toujours avec sa meuf, il m'avait dit, mais si tu veux, bah, c'est horrible. Il m'avait dit, si tu veux, tu peux t'entraîner avec moi, comme ça, pour le prochain, bah, tu seras bien. C'est pour toi que je le fais, je bah non, voilà, le mec généreux, putain. Hey, l'abbé Pierre du cul, putain, le mec, il a, non, je suis là pour toi, je suis ton pote. Mais Foxcatcher, c'est Steve Carell, le gars, c'est vraiment genre. Et comme ça n'a pas fonctionné, bah, du coup, lui, il a perdu très vite tout intérêt. Tu sais, ça n'a pas fonctionné. Bah, j'ai pas couché avec. D'accord. Mais attends. C'est con, il te proposait de t'entraîner, c'est débile. Pourquoi en fait? Parce que le mec t'avait clairement dit, on baise ensemble. Oui, c'est clair. Non, sur le moment, en fait, il y a eu la soirée où je l'ai branlé. J'ai développé une obsession suite à ça. Donc, on a réussi à se voir 2-3 fois pour aller boire des verres. Ouais. Lui, il m'a fait cette proposition. J'ai dit non, il a perdu tout intérêt pour moi, sauf que moi, j'ai continué. Ah oui, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Et donc, tous les week-ends, avec ma meilleure amie de l'époque, on allait traîner dans sa rue, on s'asseyait dans le café qui faisait l'angle, et on restait toute la journée. Ouais, t'as embarqué une copine. J'ai cette femme, c'est un amour très gentil. Vraiment, j'espère que tu as gardé cette fille en amie. Non, alors, le truc, c'est que son mec vivait dans la même rue. D'accord, ok. Ah, voilà. Donc, mais du c'était son mec ou pareil un mec qu'elle espérait. Au début c'était son mec et après ils se sont séparés et du coup elle stalkait son mec, c'est moi je stalkais. Vraiment, vous êtes d'une belle amitié basée sur la folie. C'était. Voilà. Et donc on restait toute la journée dans cette rue dans l'espoir de le croiser. Ça a marché 2 fois. D'accord. Et les 2 fois il a fait genre qu'est-ce que tu fais là? Bon, je sais pas. Sachant que je croisais sa sœur assez régulièrement qui me regardait en me disant c'est gênant. Ah oui, donc et tu continuais en voyant ça. Ouais, pourtant. Ouais. Non, okay. Vraiment. Et quand je suis partie en vacances, je l'ai appelé une journée. 96 fois dans la même journée. D'accord. Donc il a fini par me rappeler en me disant mais qu'est-ce que t'as, t'es enceinte? Ah. Sachant qu'on n'avait pas couché ensemble. Mais... parce que tu m'as juste branlé. C'est extrêmement tu étrange. Tu peux tomber enceinte. Alors c'est... je vais pas l'expliquer, mais c'est possible. Ouais, il suffit de garder dans un petit bocal au frais. Non, vraiment, je voulais pas expliquer. Non, vraiment pas expliquer. D'accord, c'est le rentrer dans la chatte alors. Et ouais, donc bah écoute, moi aussi. Je peux continuer. C'était fini? Oui, oui, oui. C'est, ouais, je pense que vaut mieux que je paye. Au collège. Et c'était une meuf qui s'appelait Anne-Sophie. On l'embrasse, Anso. Et j'allais donc, je faisais un détour pour passer devant chez elle, hein, tous les matins pour aller au collège. Mmh. Et je regardais sa chambre en espérant vraiment qu'il y ait un petit rideau qui fasse. Et de voir à ce moment-là un boule. Comme dans Marais tout prix. Mais n'importe quoi, hein, même une gorge m'aurait suffi. Franchement, une cataracte, n'importe quoi, j'aurais tout pris. Et j'avais rien, évidemment, ça a duré vraiment longtemps. C'était ma. Voilà. Et jusqu'au jour où mon meilleur pote. C'était pas pote... la bonne fenêtre. En fait. Non, c'est ça. Son meilleur pote a dit père. Elle est morte depuis 12 ans. Mon meilleur pote, Issam, se l'est tapé, mais genre sale, mon gars. Et tu l'as vu derrière le rideau? Non, mais je l'ai pas vu, mais du coup. À la Big Deal un peu. Tu vas prendre le rideau. Ah, il y a Issam qui l'a droite, d'accord. Ok. Bah finalement, j'ai. Et non, mais cet enfoiré, il l'a doigté, il se faisait sucer et tout, c'était un truc de ouf. Mais au collège, c'est gore. Au collège, j'étais pas prêt à de ça. Et mec, il dit non, là, on était dans le petit parc, là, j'étais en train de la doigter, là, juste là, tes mains. Et sans, et regarde mes doigts, sans mes doigts. Et donc là, j'étais, mais mec, tu sais, je suis amoureux de cette meuf. Et lui, mais il l'a déboîté, il s'en battait les reins. Et voilà, après, il se trouve qu'elle a eu un accident et on a dû lui mettre un pacemaker. Quoi? Et bien fait. Et c'est quoi, bien fait pour ça? Non. Non, Adélaïde, on regrette tous ton accident. Anne-Sophie. Je sais pas, j'avais pas entendu. Et ce n'est pas une source d'amusement du tout. Pas du tout. Non mais voilà. C'est vrai que j'avais un seum intersidéral. Toujours un seum. D'ailleurs, il y a une petite rancœur encore, j'ai l'impression que je vois pas de quoi tu parles. Mais par contre, il y a un sujet génial, c'est toutes les erreurs que les jeunes d'aujourd'hui pourraient faire avec Internet, notamment par exemple un live tweet de ta première fellation. Très mauvaise idée, par contre, je ne vous conseille pas de le faire directement. Ami auditeur, voilà, je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Mais alors, tu dis que c'est plus dur, et en même temps, justement, je me posais une question. Vu qu'on est là, il y a Tinder, Appen, donc tous ces trucs où, en gros, tu dis à des gens, hey, vous me plaisez, sans avoir à le formuler à haute voix, donc sans le stress de se prendre des râteaux et tout. Moi, je me dis, putain, si j'avais eu Tinder à 15 ans, j'aurais pu dire à toutes les meufs qui me plaisaient, hey, tu me plais, et peut-être, qui sait, est-ce que tu l'aurais fait à des nanas genre de ton école que t'aurais vu sur l'app? Alors, déjà, clairement, je l'aurais fait à toutes les femmes qui étaient présentes sur cette application à l'époque. Attends, ça, c'est la première chose. Si elles te disent non sur l'application, t'es obligé quand même de faire face aux conséquences le lendemain à l'école. Bah ouais, moins, c'est beaucoup moins. Ouais, mais il y a un truc de non-dit, y a genre, pas c'est jamais arrivé. Tu peux l'occulter facilement. Ouais, mais il y a des captures d'écran. Les filles sont pas trop méchantes en mode. Non, moins. Écoute ce rire, ça, tu trouves ça pas méchant ça? Ça, j'ai pleuré pendant 32 ans à cause de ce rire-là. Et j'ai que 28 ans en plus. Donc 30 ans. Mais parce que ce qui est stressant au lycée, c'est la peur du râteau et la peur de. Enfin, au lycée. Les potes. Toujours les un peu maintenant, mais les potes. Et surtout, je pense que tu te prends un râteau au lycée ou au collège et t'es le mec qui s'est pris un râteau et c'est très difficile derrière de trouver une meuf parce que. Enfin, moi, je parle en tant que mec, mais c'est pareil dans les deux sens. Hein. Mais c'est très dur après parce que t'es catalogué, genre, même une fille qui t'aime bien. ou un mec qui t'aime bien va pas même si elle va pas se dire je vais me mettre avec, parce que non c'est un peu le nul, donc je vais pas me mettre avec pour le te nul. Dire, moi, quand on jouait au jeu de la bouteille pendant les booms au collège. Au jeu de la bouteille, c'est quand on se met une écharpe autour du cou et qu'on a deux doigts de mourir, c'est ça là? Tu confonds avec la marelle. Ah, pardon. Donc quand on faisait tourner une bouteille, ouais, pour embrasser quelqu'un en face, et il y a des mecs qui étaient au bord des larmes quand ça tombait sur moi. Oh merde. Ils voulaient pas m'embrasser même ça pour le plaisir. Jeu. Moi, on me laissait pas jouer. Moi, c'était pour le côté. Ouais, moi, t'as une bouteille? Vas-y, file. Moi, je disais, c'est trop nul comme jeu, c'est de la merde. En fait, c'est juste que j'étais terrifié. Théorie des losers. Et cela dit, il y a un autre sujet, c'est tous ces gens qui auraient pu se taper une meuf vraiment géniale ou un garçon, mais qui ont refusé. On en parlait tout à l'heure hors antenne, avec Adri. C'est ça. Ouais, c'est ça mon nom. Enfin, c'est une partie de mon nom. Ouais. Prénom. Et c'est vraiment horrible ce truc-là quand tu repenses à. C'est tout. Oui, mais en fait, c'est l'histoire de Flaubert, c'est vraiment ça. C'est que, en fait, quand t'es jeune, t'as à la fois très envie, mais t'as beaucoup de fierté que tu perds au fur et à mesure, en fait. Ouais, vraiment. C'est ça. Tu dis, l'amour propre, c'est plus très très très très vite. En ce qui me concerne, très peu là maintenant. L'amour propre. Là, si, d'ailleurs, je passe une annonce. Et plus il y a de l'amour propre, plus égo pour moi depuis deux ans. J'accepte tout. Ah, je m'en rends là. Mais c'est le truc dans Little Miss Sunshine où t'as le grand-père qui dit au gamin : j'ai qu'un seul conseil à te donner, baise. Baise le plus possible. Tu vois. Ouais, ouais. Et ça, c'est voilà. En fait, plus tu vis, plus tu dis mais non, il faut baiser. Profite. Mais n'importe qui. N'importe quoi. On te propose, tu dis oui, tu vois. C'est voilà. Et plus tu vieillis, plus tu fais ah ouais, en fait. Il avait tellement raison, le con. C'est vrai. Parce que moi, j'ai un pote qui a. Genre, il y avait une meuf donc au lycée qui a été incroyable, mec. Le boule. Non, mais c'est vrai, je suis désolé, ça se voit pas à la radio, mais un truc David est en train de verser une larme. Un boule, mais magnifique. Tu peux dormir dedans, tu peux tout faire, c'est sublime, ok. Tu peux dresser une table de camping dessus ou pas? Oui, tout à fait. Ah, c'est fou. Régulièrement. Ah ouais. Et donc cette meuf, elle se tapait que des Kaira, que des mecs, que des mecs vraiment beaux gosses et très méchants. Ouais. Pas pourquoi d'ailleurs, mais là, souvent ça va ensemble. C'est la maladie du loser qui dit oh, elle sort qu'avec des nuls. Des méchants. Ouais. Elle sort avec des gens, avec des bad boys. Ouais, qui la respectent pas. Et un jour, elle glisse quand même à un de nos potes. Je veux pas dire à tout le monde que j'aimerais coucher avec toi, mais si tu veux, on fait ça en scred. Et genre, on le dit à personne. Et donc ça, dans la team des losers, il y a un mec qui est sélectionné pour aller coucher avec la bombe absolue. Waouh, la chance. Et il a dit non. Donc là, je connais ce mec encore aujourd'hui. Donc c'était il y a presque plus de 10 ans, ça. Et il a encore le seum aujourd'hui. C'est ça. Il me dit, mec, j'aurais pu baiser la plus bonne. Pourquoi j'ai dit non, quoi? Et le mec a dit non, sans aucune raison, juste parce que genre on baisse pas des meufs comme ça, il avait un peu de fierté justement. Ouais. Et ça, je peux te dire qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus rien du tout. Moi, c'est à cause de ma mère que j'avais trop de fierté. Parce que ma. Vraiment, phrase. Non, mais du coup, moi j'avais une. Donc j'avais, et j'ai toujours une mère très aimante. Et du coup, elle me disait que j'étais le plus beau. Et elle voyait des jolies filles de ma classe, elle dit mais pourquoi tu sors pas avec la petite Justine? C'est pas compliqué. Bah, pourquoi t'es amoureux de Justine Le Potier? Voilà. Je parlais de Justine, la fille du fleuriste à Autun. Ok. Ouais, je pense que tu aurais pu être ta prof. Bon, ouais. Mais en gros, et c'est encore plus horrible parce que aucune fille ne veut de toi et ta mère dit mais pourquoi tu. Ouais. Alors que clairement, t'as envie de dire maman, vraiment, je suis pas beau. Vraiment, c'est fou, je le sais. C'est évident. Vraiment, vraiment. Moi, la théorie de ma mère, c'était qu'ils étaient jaloux. Tout le monde est jaloux. Mais ça, c'est une théorie de rappeur. C'est ouais, les rageux, ils aiment pas. C'est à chaque fois qu'on dit ouais, il y a machin qui m'a insulté, il y a machin. Non, ils sont jaloux. Par contre, il y a un truc qui rapproche de ce que tu dis. Et moi, ça m'est arrivé, enfin, en gros, je m'étais pris un plan loose. En fait, il m'avait un peu la même histoire que toi. Il y avait une meuf que je voulais, et tout, etc. Depuis, genre, j'avais mis un an à essayer de lui parler, et tout, etc. Je l'invite à une soirée, trop bien. J'ai un pote qui se ramène, qui m'a jamais parlé. Il dit, je peux venir avec toi? Je fais, ouais. Le mec ne lui a jamais parlé. Il va la voir, il fait, on danse? Oui. On s'embrasse? Oui. Très bien. Et devant moi, tu vois. Et donc, j'ai fait, ok, je ne savais pas que c'était possible. Après, ça se finit pas, puisque après, tout le monde dort dans le même salon. Oh. Eux, ils s'embrassent devant moi pendant que j'étais sur le canapé, donc je les ai eus pendant toute la nuit devant moi. Et t'as une fille. Alors, bah non, parce que je pleurais en même temps. Ah oui. C'est dur de se branler et pleurer en même temps. Moi, c'est à chaque fois que je me branle, je pleure. C'est une autre histoire. Parce que tu sais trop, on te l'a déjà dit. Et après, t'as la fille à côté de moi qui m'a dit le truc qui m'a marqué. Elle m'a dit, François, t'as pas l'impression qu'on vit les plus belles années de notre vie? Et j'ai su que c'était le pire truc qui puisse t'arriver dans la vie, c'est que les plus belles années de ta vie soient celles du lycée. Et après, on a mis une couverture et il y avait d'autres gars, il y a un gars à côté de moi qui croyait que j'étais la meuf. Oh. Il a commencé à me caresser. Oh, oh, et à un moment, je lui ai dit, ça, c'est ma bite. Et voilà, donc c'était la pire soirée de ma vie. Mais tu vois, c'est que c'est cool de se dire, de se raconter ça maintenant, tu vois. De se dire, oui. Ah là là, c'était trop nul. Mais vraiment, c'est trop bien. Mais ça, c'est le truc que. Mais en plus, t'avais tous les adultes qui te disaient à l'époque, effectivement, tu verras, c'est les plus belles années de ta vie. Et c'est horrible de dire. Et je disais, mais ils se rappellent pas de leur adolescence, ces gens-là, c'est pas possible, quoi. C'est ça, mais. Et à côté de ça, moi, alors pour le coup, moi, mon père me disait plutôt l'inverse. Il me disait, t'inquiète, tu t'en souviendras pas, tu vois. Et c'est faux, t'inquiète, c'est un peu la merde, mais quand tu grandiras, t'en auras rien à foutre. Et c'est l'alcool faux, est dans. Et en même temps, c'est vrai que t'en rigoles très vite. Oui, tu mais vois. C'est t'en rigoles en société, mais par contre, c'est le genre de truc où à 3h du matin, quand t'arrives pas à dormir, ton cerveau il te dit, tu te rappelles ce truc honteux que t'as fait quand t'avais 12 ans et demi en colonie de vacances? Non, moi ça va. Moi, franchement, c'est. Moi, c'est fini ça. Moi. Ouais, mais même moi, ça me le fait encore. Et du coup, après, je passe une demi-heure à me dire putain de merde, mais quel. Mais est-ce que tu fréquentes toujours les gens de ton lycée? Non. Personne ne fréquente les gens de son lycée. Si. Moi, je travaille avec lui. Sérieux? Mais Carlito. Raphaël, tu travailles avec lui. Tu le rappelles tous les jours, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais oui. Toi, t'étais pas au lycée avec Florent? Si, putain. Ouais. Et ouais. Bah ouais, mais c'est pas au lycée, mais ouais, c'est. Mais en fait, c'est pas que je le vois. J'essaie de travailler avec lui, de le mettre dans des rôles où il joue d'autres personnages, tu vois. Arrête. Arrête d'être mon ami. Mais moi, clairement, il y a aussi ce truc un peu. Il y a toujours une petite part d'aigreur un peu nulle qui est un peu inavouable, mais bon, on s'en fout, on en parle. Mais c'est vrai que moi, quand vraiment j'étais là, dans ma vie, ça va bien. Mais quand j'allais pas très bien d'un point de vue sentimental ou autre, et il y a encore, je sais pas, un truc genre un an, j'allais sur les profils Facebook des gens du lycée. Pour voir ce qu'ils étaient devenus. Oh, et tu fais pourvu qu'ils soient gros, pourvu qu'ils soient gros. Et c'est vraiment ça, quoi. Et il y avait même un truc encore plus psychon de merde que je faisais. C'était genre, ouais, sa vie, elle a l'air vachement moins bien que la mienne, alors que juste, j'étais pas heureux dans ma vie, tu vois. Mais j'étais genre, oh, le nul. Ses photos sont moins bien qu'avec les miennes. Non, mais en plus, c'est un peu ça. C'était genre, oh, le nul, et il est toujours avec elle, et ils ont un chien, une maison. Il sourit sur toutes les photos, et c'est sûrement faux. Oui, c'est ça, ça. Tu fais, mais il sourit. Ouais, effectivement, il sourit tout le temps. Ah, elle est nulle. Ah, elle est enceinte. Elle a un enfant. Oh, la grosse nulle. Ils sont partis en vacances en Thaïlande pendant 3 semaines. Ils sont encore amoureux, en fait. Nul à chier. Mais c'est quand même. T'as une espèce de satisfaction au début où tu te dis, ah, bien fait, puis tu réfléchis 2 secondes, tu fais, mais qu'est-ce que ça m'apporte en fait que sa vie soit. Bah, oui, c'est à chier quoi. Ouais, et surtout que souvent, c'est des gens en plus qui ont à peine. C'est dans The World's End, c'est un truc qui est très bien trouvé. C'est que moi, quand j'étais au collège, je me faisais un peu tabasser. Et, et le truc, c'est que les gens vraiment. Et, il m'est arrivé la même scène que dans The World's End. C'est que j'ai croisé un gars quand je suis redescendu dans ma Bourgogne natale qui me tabassait. Et je sais pas, on discute et le mec est sympa, tu vois. Et je lui fais, putain, quand même, t'es vraiment un enculé à me cracher dessus, à me lancer des pierres quoi. Il fait, bouh, je te lançais pas de pierre. Je fais, mec, je te jure. Et en fait, le mec s'en souvenait pas, quoi. Ouais, et bizarre, dans The World's End, t'as une scène ça où, en fait, le mec qui tabassait un des personnages du film ne s'en souvient pas, en fait. Ah ouais, c'est pas. Moi, il y en a un qui s'est excusé et j'en ai chialé pendant 3 jours. Ouais. C'est débile, hein, ça s'est passé l'année dernière. Alors que j'ai fait le deuil de ce truc parce que je me faisais vraiment, vraiment tabasser au collège. Et il y en a un qui est venu s'excuser spontanément sur Facebook en me disant, j'y repensais il y a pas longtemps et je me dis que j'étais vraiment. Et en plus, c'était un de ceux qui avait été le moins pire avec moi, quoi. J'ai vraiment été un gros con. Je fais non, mais c'est parce qu'on était des enfants, c'est pareil. Je fais non, mais c'est pas une raison en fait. Enfant ou pas, j'étais un gros con. Et je me suis foutu à chialer comme. Moi, je vais chialer maintenant. C'était la fille dont j'étais très très amoureux au collège et qui, quand j'avais 30 ans, m'a redemandé un ami. Et il y a toujours ce truc de t'es amoureux. En fait, quand il y a un amour qui n'a jamais abouti, il y a toujours ce truc de. J'imagine que c'est un truc qui reste en suspens, what if. En toi, tu vois, toute ta vie. Mmh. Oui, et, je pense, ouais. Et elle m'a demandé un ami sur Facebook, et j'ai vu qu'elle postait des vidéos qui prouvaient que Michael Jackson n'était pas mort, et des vidéos qui s'appelaient « Les vérités scientifiques de l'islam », avec des trucs où ils disaient hey, « dans le Coran, ils disent que ça, donc et c'est une vérité, et ils n'avaient jamais découvert ça à l'époque. » T'aurais pu être son mari. Et j'ai dit « Ah, je suis plus du tout amoureux d'elle, c'est génial. » Et après, je lui ai commenté en disant que sa vidéo sur les vérités scientifique de l'islam était fausse, c'était juste du charlatanisme. Et elle m'a enlevé de ses amis. Et elle m'a enlevé de ses amis. Et j'ai dit, bah, c'est très bien. Moi, il y a des gens qui me demandent, ouais, mais maintenant que tu fais tout sur internet, putain, mais toutes les meufs qui t'ont snobé, elles doivent trop avoir les boules. Et je fais, aucune. Elle regarde pas. Aucune, ouais, c'est clair. C'est ça, aucune n'a même idée de ce que je suis devenu et elles s'en foutent. Mais oui, ou même des fois, on est amis Facebook et elles font genre, ouais, tu fais des trucs, c'est cool. Ouais. C'était une de mes motivations à l'époque aussi. Je me disais, si un jour je deviens super bonne, ça va être. Et donc, depuis, je suis devenue super bonne et il n'y en a aucun qui est jamais venu me c'est dire. C'est vrai aussi. Flaubert était moche, c'est vrai. Et là aussi, c'est vrai. Mais clairement, on peut dire que. Parce que s'il y a des gens qui sont au lycée, qui nous écoutent, à qui on dit c'est les plus belles années lycée et tout. Ouais, non, là, c'est, je non, pense faut... qu'on est 5. Il y a peut-être des gens pour qui c'est vrai. Non, c'est, malheureusement, c'est vrai. Vraiment, vraiment, mais c'est d'ailleurs, pas... si c'est maintenant... les plus belles années de ta vie, le lycée, c'est que le reste de ta vie va être merdique. Moi, c'est, maintenant, c'est trop bien. Ouais, moi, ma vie, mais en même temps, on fait des métiers, on se passionne dans nos métiers. Oui, d'accord, mais. En fait, les gens qui disent ça, c'est peut-être qu'ils sont pas heureux dans leur vie maintenant. C'est faux, car moi, je fais partie de ces gens. Ah, d'accord. Là, on va pouvoir le débat, ça va être cool. Là, il y a un débat. Appelez-nous au 3612. Tes meilleures années, c'est ça que tu dis ? Bah, ça fait partie, oui, de mes meilleurs souvenirs. D'accord. En fait, le collège, c'était nul à chier. Et le lycée, génial. Bon, j'ai rencontré Carlito aussi, ça aide énormément. Oh, c'est-à-dire qu'on s'est... Non, mais ça. C'est vrai qu'on s'est rencontrés et on a fait les conneries. Et exactement, on fait la même chose aujourd'hui, rémunérés. Mais est-ce que tu considères que sur un système de valeurs, ce que tu as vécu à cette époque-là, c'est meilleur qu'aujourd'hui ? Non, mais par contre, c'est un début de nostalgique. C'est essentiel. Oui, mais voilà, c'est que c'est des bons souvenirs. C'est des putains de bons souvenirs. Mais il y a une différence entre j'ai passé un bon moment, c'est des bons souvenirs, et c'est les meilleures années de ta vie. Tu peux dire à un, gars, à un mec de lycée, ok, là, c'est, ça va. Si tu kiffes pas, c'est normal. Mais peut-être qu'avec le recul, moi, je me faisais tabasser au collège et au lycée, j'étais le rigolo que personne ne calcule. Avec le recul, au lycée, j'ai eu des moments fous, tu vois, avec des profs, avec des... Quand je dis des profs, c'est qu'en gros, je faisais un peu le petit con et ça faisait rire toute la classe. Et en vrai, en plus, c'est des moments qui font écho à ta vie maintenant, donc c'est des souvenirs cool. Ouais. Mais en vrai, si tu kiffes pas à cette époque-là, c'est pas du tout surprenant, quoi. Vraiment, vraiment. Et ça c'est surtout pas un indicateur du reste de ta vie, quoi. Mais c'est aussi parce que je pense qu'on a été tous formatés aussi par les séries américaines qui se passent tout au lycée, même s'ils ont 30 ans, les acteurs. Et en gros, ils te disent, voilà, tout se passe au lycée. C'est là où tu vis des aventures de ouf. Mm. Le lycée, il dure 10 ans hein, dans les séries américaines. Et toutes tes premières fois de toute ta vie, voilà. Ça se passe dans cette... Et c'est trop bien. Et t'es juge, et t'as un système de valeurs de lui, c'est le loser, lui, c'est le marrant, etc. Mm. Quand tu te rends compte que c'est juste 3 ans, mais c'est littéralement 3 ans, hein, 3 ans, de, moi, je me rappelle, moi, les 3 dernières années de ma vie, pour moi, ça a duré 6 mois, tu vois. Mm. Et qu'au final, tu te crées après, tu vois. Et tout ce qui est important, c'est, je pense que l'âge de 19 ans, 20 ans est beaucoup plus important que 16 ans. La fac ou voilà. Ce que tu fais après le lycée. C'est après, là où vraiment tu te définis et où tu choisis tes propres choix. Ouais. Et ben, c'est juste que tu t'es persuadé que la vie, c'est ça. La vie, c'est les profs, la vie, c'est les cours, c'est le bac, comme si c'était le bac, comme si c'était le truc hyper important, alors qu'en fait, bah, y en a qui réussissent très bien sans. Bah, bien sûr. Tu vois. Donc, c'est les séries américaines. Pour faire. Et aussi, dans les séries américaines, le personnage qui est présenté comme le loser. Finit toujours. Non, mais il se fait. C'est genre, c'est un loser, il dit ah, lui, c'est le loser. Mais il tape des meufs quand même, quoi. Ouais, ça va. Là, c'est comme Chandler où il dit ah, ce Chandler, vraiment un loser avec les meufs. Et moi, je regardais ça, je disais, mais il se tape quand même pas mal de meufs. Et surtout Ross le gros geek avec ses dinosaures qui arrive quand même à se taper Jennifer Aniston et voilà. Compagnie, quoi. Non, mais c'est ça un loser parce que suis-je alors. Parce que moi c'est zéro, c'est un figurant. Moi. Le mec qui passe derrière, toi t'es en fait... Gunther. Oui c'est ça, j'allais dire ça, t'es Gunther. C'est ça, ouais. Et pour faire une métaphore complètement hippie, mais ça c'est parce que c'est mon côté hippie que j'aime beaucoup, pour moi jusqu'au lycée t'es une chenille, la vingtaine c'est la chrysalide, et après fin vingtaine début trentaine ça roule tout seul. Un papillon. Voilà. Moi, je suis début vingtaine et je suis cool. Hein. Enfin, non, mais oui, mais la chrysalide, c'est cool. C'est le moment où tu te construis en fait. Et ça prend du temps de se construire. Regarde-moi. Waouh, il a vraiment des belles ailes. Tu vois ses ailes. Il a écarté ses bras. Il est en train d'écarter ses bras. Touche tes doigts dessus. Un peu de poudre sur tes doigts, c'est normal. Je suis un papillon de nuit. Non, mais c'est vrai que là, en fait, on t'a vu en transformation 1. Là, t'es en transformation 2. Et après, on te verra en Super Saiyan. Oui, référence à 82. Ceux qui aiment les. La métaphore qui part en couille complètement. Au début, c'est chenille, après chrysalide, Super Saiyan. Après, tu finis en Broly. Après. À partir de 35, t'es Broly. Mais non, mais c'est vrai, pour résumer pour les jeunes qui nous écoutent, donc si le lycée c'est pas bien, vous inquiétez pas, après vous aurez un stage minable chez Groupon et après vous aurez peut-être un CDI chez Thalès, mais c'est pas du tout sûr. Bon, écoutez, avez-vous d'autres choses à dire sur ce magnifique sujet? On a un peu divagué sur. Mais je suis content, c'est cool de. Je fais très mal l'amour, je sais pas si c'est un rapport. ça a un rapport parce que. Est-ce que tu mets beaucoup de temps à bander et que tu jouis très vite? Non, je bande très vite. Ah non, moi je mets. Je jouis très vite aussi. Moi je rentre mou et je fais des petits mouvements de bassin pour bander à l'intérieur. Et dès moi je ne jouis que quand je branle. Et dès que... Avec des mitaines. Et les mitaines de ce monsieur, voilà. Dans l'occurrence. J'ai jamais joui. J'ai jamais joui. Si, si, une fois. Non, je croyais, en fait je pissais. C'est très différent. C'est vraiment il y a 2-3 ans. Je me souviens, c'était sous Alain Juppé. C'est pendant les histoires d'Alain Juppé que j'ai compris. Et va savoir pourquoi, parce que ça n'a strictement aucun rapport. Mais je me souviens aujourd'hui son visage. Et alors, très bizarrement, ouais, c'est fou, ça ne pue pas la piste, le sperme. Hein. Je vous préviens pour ceux qui nous écoutent. Non, mais faut le dire. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment. On peut pas finir là-dessus. Hein. Non. C'est la fin de cette émission. Et on peut continuer après. C'est moi qui ai les clés. Ah, cool. Petit tour de table pour votre actualité. David Koskas McFly, tu as une vidéo qui sort bientôt, je crois. On n'en dit pas trop, mais je crois qu'elle sort bientôt. Elle sort quand? On peut le dire, avec Carlito que j'aime. Qu'on embrasse, qui devait être là, mais qui est en vacances, le bâtard. Il reviendra, tu nous réinviteras. Bah, bien évidemment. Ouais, on a une vidéo qui s'appelle Badass. Oh, tu le dis? Ah, je le balance, ça okay, va. Ok, t'en bats les couilles. On dit pas plus. On peut dire, mais ça va être fou, c'est un clip. Ok. Et ça va sortir dans à peu près un mois, je pense. D'accord, tu l'as dit beaucoup trop tôt pour internet. Les gens ont bien le temps de refaire un clip qui s'appelle Badass entre temps. Jack Parker, tu écris sur ton blog. Oui, j'ai toujours mon blog horreur, leblog horreur.com, tout simplement. Ok, c'est bien, c'est plus simple. Voilà, je bosse sur mon projet de livre et puis je fais des petites piges à côté, des petits trucs et puis des petits machins. Et donc voilà. Avec des mitaines ou pas? Ah non, j'ai arrêté les mitaines. Très bien. Adrien Méniel, toi tu viens de sortir une vidéo du coup? Je viens de sortir un sketch qui s'appelle Défense personnelle. Qui est juste excellent. Voilà. Merci, c'est gentil. Il est hilarant. Voilà. Je suis content. Et voilà. Ouais. Et il y a un site aussi qui va avec pour les gens qui ont pas suivi. Oui, mais ça, je laisse aller. C'est une pépite. Non, je le dis, mais bon, oui. Voilà, il y a un immon site, voilà, on dira pas plus. Il y a un site qui est dans le sketch, et si vous allez voir, le site existe. Ah putain, trop bien. Voilà. Ça va te plaire, François. C'est le genre de truc, François, que tu adores. Ça y est, mais en plus, je l'imagine déjà. Donc, c'est vraiment comme ça. Les petites critiques des gens. C'est bon. Les petites citations de critiques des gens. Mais qui sont, en revanche, les commentaires sont des vrais commentaires de gens. Oui, j'ai laissé un petit message sur le site. Mais il y a plein de gens. Et c'est ça qui est ouf, en plus, c'est que sur la vidéo, il y a plein de gens qui ont laissé des commentaires vraiment marrants, quoi. Oui, il y a vraiment des gens qui ont... Qu'est-ce qu'il a dit le mec sur le parking? C'était quoi? Oui, parce qu'en fait, dans la partie information pratique, j'ai mis l'adresse du dojo, qui est 95 rue de Chevreul à Maison Alfort. Et j'avais mis pas de parking, et merci de ne pas insister, et pas de vélo devant le dojo, merci de ne pas insister sur ce point. Et il y a des gens qui ont mis un commentaire en disant, avec le lien Google Street View, en disant désolé, je vois qu'il y a des voitures devant le dojo, donc je viendrai garer mon vélo. Il y a des gens qui jouent vraiment le jeu, qui laissent des commentaires dans l'esprit du site, et c'est très drôle. Et il y a en revanche la personne la plus triste du monde. C'est horrible, ouais. En gros, le sketch se fait quand même vraiment démonter sur YouTube. Pour le dire, faut l'avouer. Ouais, hein. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui mettent des commentaires assez méchants sur YouTube. Ça, on a l'habitude. Mais là, il y a un mec qui a poussé le vice jusqu'à aller sur le site, le faux site de l'Académie Frank Kim, donc, et dire ah ouais, le sketch était déjà pas très marrant, mais en plus, vous avez poussé la blague jusqu'à faire ça. Et c'est vraiment le mec qui dit « Oh, je déteste, je vais en savoir plus et aller plus loin. » Tu fais « Non, en fait, si ça te plaît pas, tu arrêtes, quoi. » Le mec a vraiment poussé le truc, genre... C'est horrible. C'était comme les gens qui voulaient être remboursés de leur place de cinéma en envoyant des gens qui faisaient ça, qui envoyaient des lettres au studio de cinéma ou au réalisateur en disant « J'ai vraiment pas aimé, je veux me faire rembourser mes 8 euros. Je suis parti avant la fin, c'était de la merde. » C'est ça qui est merde, putain. Et donc, c'est la personne qui est vraiment... C'est très triste. Ouais, très triste, cette personne. Surtout que c'est un peu technique pour aller sur le site. Je veux dire, faut le vouloir, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, il n'y a aucun lien. Il faut taper l'adresse soi-même. Il faut être attentif. Si tu connais pas un peu Internet, vraiment, tu vas pas, quoi. Voilà. Tu te dis, là, c'est fou. Donc c'est vraiment une grande implication dans la détestation de quelque chose. Et je trouve ça vraiment presque admirable. Mais en fait, non, c'est un gros con. Et toi, François, du coup, c'est pas moi qui ai mis le commentaire, non. Non, je sais, je sais. Donc toujours French Ball. Oui, on est dimanche, c'est ça? Tous les dimanches. Non, là, on est dimanche. Là, on est dimanche, ouais. Donc, on est dimanche et donc jeudi 12, c'est ça? Exactement. Jeudi 12, on a à la fois l'avant-première de la théorie des balls, enfin la fin. Max Honor. Mais surtout, en parallèle, pour ceux qui ne seront pas au Malsonadaire, on aura un sketch que j'ai écrit, réalisé, donc je suis très content. Cool. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit, réalisé un sketch. Bah, depuis quasiment le Golden Show. Depuis, ouais, et, ouais, voilà. Donc, ouais. Donc voilà, donc c'est un sketch, je suis content, je ne veux pas trop en parler. Mais non, mais de toute façon, il sort que dans à peine 4-5 jours, donc c'est cool. Ouais. Bah, c'est cool, c'est un retour au sketch que tu écris et réalises comme Golden Show, même avant. Ouais, et un peu court-métrage et tout. Cool. Tu vois, très Golden Moustache, un peu dans le style. Tu vois. Voilà. Très bien, chambé. Les commentaires vont être très très cool. Je pense ça ressemble à Golden Moustache. Ils vont adorer. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu. Mais merci à toi. Merci. Et toi, ton actu, Flaubert? Ah oui, Flo. Mais moi, tu l'as dit tout à l'heure, mais... Moi, j'ai pas grand-chose. Ah oui, mais alors peut-être qu'il y aura un podcast entre-temps, je sais pas. J'ai un sketch aussi que j'ai tourné. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'émission la semaine dernière, c'est que je tournais mon prochain sketch, qui normalement sort la semaine du 13 mars, je crois, un truc comme ça. Enfin, en gros, qui sort pas cette semaine, mais celle d'après. Voilà. Je me retiens de le survendre. Non, c'est gentil, je sais que tu détestes. Je déteste ça. Du coup, en disant ça, t'as réussi à le survendre sans en dire du bien. Ouais. C'est fou. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous. Merci beaucoup d'être restés jusque-là. Bisous. Merci. Si vous aimez, avec n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux, à retweeter, à partager, tout ça. Et si vous aimez pas, évitez vraiment de le dire, parce que vraiment, c'est dommage de faire de la mauvaise publicité pour Allez cette émission. Allez vraiment sur le SoundCloud, dans les commentaires, et mettez des commentaires pour dire que vous aimez pas. C'est voilà, vraiment très important de montrer que vous êtes une personne très triste. Exactement. Je tiens à préciser que demain matin, je fais un live tweet de mon petit déj. Pour ceux qui veulent suivre ça, donc j'espère vraiment que je le ferai. @SylvainMirouf sur Twitter. Merci. On part sur un jingle. Au revoir.